Mireille Kanyangi. Innocent Bibonimana sur la mise en onde. Bonjour madame, bonjour messieurs, voici les grands titres de cette édition dominicale du 20 décembre. Le président burundais a appelé les corps de défense et de sécurité à protéger les droits de l'homme sans exception aucune. C'était vendredi lors des échanges de vœux à Gitega. Nécessité de révision des offres de formation en termes de programme vers une professionnalisation. Recommandation jeudi lors de la revue sectorielle de l'éducation. Vous aurez également la chronique nutrition sur les propriétés d'une plante intervenant dans la lutte contre les infections parasitaires. Rebonjour et bienvenue. Page éducation. Pour débuter cette édition, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique devrait réviser les offres de formation en termes de programme pour converger vers la professionnalisation. C'est l'une des recommandations issues de la revue sectorielle de l'éducation qui a pris fin jeudi. Les participants à cette revue ont plaidé pour un renforcement de capacités en pédagogie, d'encadrement de grands groupes pour faire face à la surpopulation scolaire s'observant ces derniers temps dans les établissements scolaires. Suivez Liboara Bigirimana, porte-parole du ministère burundais de l'Éducation et de la Recherche scientifique. On a demandé de renforcer les capacités des enseignants en pédagogie d'encadrement des grands groupes. Cela pourquoi? Parce qu'en fait, on remarque qu'il y a des salles de classe qui connaissent aujourd'hui une pression démographique. Et pour encadrer ce genre de classe, il faut vraiment que l'enseignant soit outillé à pouvoir encadrer des groupes pédagogiques qui présentent de forts effectifs. Alors, on a demandé que les enseignants soient formés en matière d'encadrement des groupes pédagogiques assez importants. On a émis une autre recommandation qui consiste à réviser les offres de formation en termes de programme pour converger vers la professionnalisation. Alors, les besoins du pays, en fait, exigent de passer à la révision des programmes parce qu'il y a des priorités pour le pays, mais aussi il y a, en fait, des attentes du public par rapport à l'offre de formation. Au niveau de l'équité, c'est que tout le monde a convergé sur une demande relative à la promotion de l'éducation des étudiants à besoins spéciaux, c'est-à-dire les gens qui vivent avec un handicap, les sourds muets, les gens qui ont un handicap relatif à la locomotion. On a demandé à ce que des écoles soient multipliées pour ces enfants. Au niveau de l'axe pilotage, on a demandé à voir à la hausse le budget pour le financement du sous-secteur, évidemment, par rapport à l'équipement, par rapport à la construction des salles de classe, par rapport au recrutement des enseignants. Tout ça, c'est des items qui sont assez budgétivores et qui doivent être augmentés au prorata de la demande de terrain. Toujours en page éducation, les responsables du secteur de l'éducation en province Muyinga demandent aux églises avec des établissements sous convention à s'impliquer effectivement dans l'encadrement des enfants pour arriver à une éducation humaine. Un appel lancé lors de la rencontre vendredi d'évaluation entre enseignants de Muyinga, évaluation qui a mis en évidence des écoles sous convention avec un mauvais classement lors du concours national. Le point avec Dieudonné Nzeimana depuis Muyinga. Si dans l'ensemble, les écoles sous convention occupent les devants en évaluation externe, quelques-unes viennent en arrière. Jean-Baptiste Bassomingera, directeur de l'enseignement en commune Muyinga, pointe du doigt deux établissements mal classés lors du concours national édition 2020. Il invite le représentant de l'église catholique à la rencontre de vendredi de rappeler aux enseignants de telles écoles l'éthique d'une école sous convention. Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, lance le même appel à toutes les confessions religieuses qui ont signé une convention avec l'État. Impliquez-vous, nos célestes, dans l'encadrement, insiste-t-il. L'abbé Étienne Ndayisaba, chargé de l'apostolat des laïcs dans le diocèse catholique de Muyinga, trouve important le rôle des églises dans l'éducation et de rappeler les meilleurs établissements sont aussi ceux sous convention. Des enseignants dans des écoles mal classées sont invités à partir et se recycler chez leurs collègues des établissements et a eu des certificats de mérite à la même occasion comme au lycée de Rugali, le petit séminaire de Muyinga et l'école technique de gestion de Muyinga. Muyinga, Dieudonné Nzeimana, pour la radio Isanganiro. Merci à Dedonné Nzeimana pour ces précisions. Avant de suivre d'autres informations relatives à l'extension des terres cultivables pour l'OTB et l'appel du président burundais à l'endroit des corps de défense et de sécurité à protéger les droits de l'homme. Vous les suivez juste après cette chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Voilà, 13h02, place à la chronique nutrition. La Vernonia amygdalina est une plante qui possède différents sels minéraux et vitamines dont l'organisme a besoin. Cette plante intervient dans la lutte contre les infections parasitaires comme la diarrhée, parasites intestinaux et dérangements de l'estomac. Selon Gilbert Anangwaha, chercheur et nutritionniste, consommer cette plante régulièrement aide dans la prévention contre la malaria et d'autres maladies, dit-il. La chronique nutrition est signée Jean-Marc. La Vernonia amygdalina, c'est un petit arbuste de 2 à 5 mètres poussant en Afrique tropicale. La Vernonia est trouvée dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et utilisée pour lutter contre les infections parasitaires. Jibé Nangwaf, chercheur nutritionniste, explique que grâce à ses minéraux et vitamines, cette plante intervient dans la prévention contre différentes maladies. On a des lipides, des protéines, des glucides, des fibres, des minéraux comme le fer, le phosphore, le calcium, ainsi que les vitamines comme vitamine C ou acide ascorbique. Des extraits de feuilles et d'écorce de racine ont fait apparaître une activité antiparidique contre les Plasmodium, Berigei et Falciparum. Au Burundi, on consomme ces feuilles en décoction pour traiter les vers intestinaux, les troubles gastro-intestinaux, les hépatites et d'autres pathologies. Mais on ne sait pas que c'est une plante qui peut être utilisée comme légume ou boisson extraordinaire à la santé de l'homme. En médecine traditionnelle, selon Jibé Nangwaafi, cette plante est utilisée pour améliorer la fécondité. Il continue en disant que cette plante est utilisée pour lutter contre les vers intestinaux, la fièvre et autres maladies. En médecine traditionnelle, on utilise surtout Vernonia en décoction de ses feuilles pour traiter les problèmes de santé comme fièvre, hépatite, dysenterie, diarrhée, paludisme, la toux ou bien pour améliorer la fécondité. L'une des usages médicaux de Vernonia amygdalina, c'est pour traiter les troubles intestinaux. On utilise l'infusion de racines pour soigner les maladies sexuellement transmissibles et l'infusion d'écorce pour traiter la fièvre, les diarrhées. On utilise aussi les fleurs séchées pour les troubles d'estomac. Quant à sa préparation, Jibé Nangwaafi dit qu'il faut la préparer en y mettant plusieurs condiments pour réduire son goût qui est amer. On doit d'abord chercher des condiments comme l'ail, citron, sel, farine d'arachide, oignon rouge, huile de palme. On trempe les feuilles dans l'eau bouillante, pressez fortement pour enlever le premier liquide. Exercice fait 3 fois. Cela a pour avantage de réduire l'amertume. Cuire comme d'autres légumes, le Vernonia amygdalina se prend en salade, mélangé avec d'autres nourritures, ou bien en jus ou en tisane. On peut aussi cuire les feuilles entières avec des tubercules de manioc ou d'igname. On fait sécher aussi les feuilles et les réduire en poudre pour les utiliser en soupe. On consomme parfois les feuilles crues, non transformées et assaisonnées d'huile, de palme et de sel. En agronomie, la Vernonia amygdalina est utilisée pour lutter contre les maladies des plantes comme des champignons transmis par les semences. Je vous l'avais annoncé en titre, les corps de défense et de sécurité sont appelés à protéger les droits de l'homme sans exception aucune. Lors des échanges de vœux vendredi avec le numéro 1 burundais à Gitega, le président Evariste Ndayishimiye lui a en outre demandé d'entretenir de bonnes relations avec la population et en ce qui est des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, la solution sera trouvée, a-t-il rassuré. Suivez-le dans cette traduction française d'Armel Moutore. Nous vous exhortons d'avoir toujours un esprit patriotique, d'appréhender que le Burundi est un don de Dieu et qu'il nous appartient tous en tant que Burundais, que nous devons être prêts à nous sacrifier à tout moment pour l'intérêt du pays. Pour y arriver, vous devez nouer de bonnes relations avec la population, travailler à leur côté et être toujours à leur écoute, sans défiance. Que la protection des droits de l'homme et de tout citoyen sans distinction soit votre priorité afin de gagner la confiance de tous. Soyez exemplaires dans votre entourage. Soyez des artisans de l'unité et de l'amour entre vous dans vos occupations quotidiennes, que ce soit au pays ou à l'étranger lors de vos missions. Quant à moi, je m'engage à être toujours à vos côtés pour relever ensemble les défis auxquels nous faisons face. Je suis confiant que nous allons réussir car ensemble nous pouvons. Nous avons entendu et compris les problèmes qui pourraient susciter la démotivation des corps de police et de sécurité et les corps de défense dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, nous appelons tous les responsables à user de tous les moyens possibles pour trouver des solutions à ces problèmes. Quant à moi, je m'engage à être toujours à vos côtés à la recherche des solutions à vos préoccupations. Je ne doute pas qu'ensemble, nous y arriverons. Parlons agriculture. À présent, l'Office du thé du Burundi OTB demande à l'État d'étendre des terres cultivables afin d'augmenter la production du thé. Jacques Wigilman, directeur général de l'OTB, affirme qu'ils ont tout le nécessaire pour cultiver ces terres. C'était jeudi lors de sa visite au complexe théicole de Tora, en commune Mugamba de la province Bururi, à l'occasion de la célébration de la semaine dédiée au thé. Suivez-le. Suivez Jacques Wigilman, directeur général de l'OTB. Normalement, on tire profit de la quantité des feuilles vertes produites. Lors de la récolte, les théiculteurs vendent ces feuilles à l'OTB. Lorsqu'ils produisent une petite quantité, l'OTB perd aussi. C'est pour cela qu'on demande l'appui du gouvernement pour augmenter la quantité de la feuille verte. Et quant à nous, nous sommes décidés à étendre les cultures un peu partout. Nous profitons de l'occasion pour demander à vous, Monsieur le ministre en charge de l'agriculture et de l'environnement, de nous aider dans l'octroi des terres cultivables. On a déjà introduit des demandes à maintes reprises. Nous avons déjà des plans, les théiculteurs sont disponibles, nous avons les fonds suffisants pour exploiter ces terres. Et cela nous avantagera à avoir une quantité suffisante de thé. On aimerait signaler que la parcelle située à Buhoro appartient toujours à l'État, au moment où on avait maintes fois demandé de l'exploiter. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, et vous, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, nous vous supplions de nous octroyer cette terre. Nous avons tout le nécessaire pour l'exploiter. Jacques Wigilman, directeur général de l'Office du thé du Burundi, OTB. Il était traduit en français par Armel Mutore. Voilà, à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce dimanche 20 décembre. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Bibonimana qui en a assuré la mise en onde. Une très bonne journée à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.